Yeah. Mon histoire est déjà écrite. Se faire doubler, prendre le fric. Réinvestir dans les briques. Je veux pas errer dans la street. Pour éviter que je me détruise. Juste un sandwich électrique. Une tête bien verte que j'effrite. Et ma go qui me fait des strips. Parfois je m'habille chez Gucci. Des fois je me sape dans les frites. Je suis dans l'avion, je fais des trips. Puis le système et ses griffes. 2-4-3-4, j'ai l'Afrique. Y'a 3-0, je veux le trip. J'en ai dans les trips. Je suis pas passé par la triche. Yeah. Je fais mon biz, je fais mon zip, je fais mon vibe. On est tous, je fais tout dans la maille. Je suis dans le feu, je suis dans le jeu, je suis dans le jeu. Pas dans le jeu, je parle le bif, je fais mon jeu. Je fais mon biz, je fais mon bail, ah yeah. Je fais mon biz, je fais mon biz, je fais mon bail, ah yeah. Je fais mon biz, je fais mon biz, je fais mon bail, ah yeah. Je fais mon biz, je fais mon biz, je fais mon bail, ah yeah. Je fais mon biz, yeah. Je fais mon blé, je fais mon pain, je fais mon beurre. J'ai des plaies, j'ai du bien à mon cœur. Autant de sang, autant de larmes que de sueur. J'arrive, je fais plus de mal que de peur. Il me faut des zéros sur la 2K. Encore des zéros sur la 2K. Encore des zéros sur la 2K. 0-0-0 sur la 2K. Il me faut des zéros sur la carte. Plus de du quand je l'insère. Pareil que j'ai de l'or dans la bouche. Je fais du but quand je m'en sers. T'es pas content, fuck ta sœur. Je fais de la moula, je vends de la sueur. Je fais de la moula, je vends de la sueur. Tu pars l'argent, viens t'asseoir. J'ai de la bœuf, je roule une grosse patte. Dans sa chatte, je suis acrobate. Pourvu que je m'en sors pas trop mal. Je suis plus français, pas trop mat. Malgré tout, j'aime bien les sommes. Quand je multiplie et que j'additionne. Toujours mieux quand il y a les soldes. Même si le but nous illusionne. Yeah, je fais mon biz, je fais mon zif, je fais mon bail. On est tous, je fais tout dans la maille. J'suis dans le feu, j'suis dans le jeu, j'suis dans le jeu. Pas dans le jeu, j'suis par le bif, j'suis dans le jeu. J'fais mon bif, j'fais mon bail, ah yeah. J'fais mon bif, j'fais mon bif, j'fais mon bail, ah yeah. J'fais mon bif, j'fais mon bif, j'fais mon bail, ah yeah. J'fais mon bif, j'fais mon bif, j'fais mon bail, ah yeah. J'fais mon bif, yeah.